Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bélingué avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche d'Abélingué où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements loin et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Je veux que nous chantons ce chant. Le Christ est tout pour moi. You have the words. Take the words, let's sing. Prenez les paroles et nous allons chanter. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Car il n'y a rien dans ce monde. Qui puisse me satisfaire. Même dans les pleurs. Même dans les pleurs. Mon âme chante. Mon âme chante. Oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Besoin est en toi. Tout ce dont j'ai de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour la foi devant moi, le mot derrière. La foi devant. Le mot derrière moi. Le mot derrière. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La foi devant, le mot derrière. La foi devant. Mon derrière, moi, oui pour toujours. Christ seul me séduit, Christ seul me séduit, Christ seul me séduit. Ce dont j'ai besoin. Quand on a commencé à chanter au sujet de la croix, I felt the presence of God. J'ai ressenti la présence de Dieu. Alléluia. Amen. The cross is our power. La croix est notre puissance. Alléluia. Amen. It's on the cross that we have power. C'est sur la croix que nous avons la puissance. Alléluia. Amen. Amen. Amen. So it's good to sing about the cross. Donc ça fait du bien de chanter au propos de la croix. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Father, I want to thank you for tonight. We commit ourselves in your hands. Lord, we say mercy on us. Have mercy on us tonight. Be gracious to us. May your power be felt strongly tonight. May your power touch us. May your power release us. May your power free us. May your power break strongholds in our lives tonight. In the name of Jesus Christ. Lord, at the word comes, Lord, may the power in the word be released. In the name of Jesus. Father, we thank you. We bless you. We honor you, Lord. Father, we'll not leave this place the same, but we'll leave blessed. We'll leave anointed to do great things for you. We give you all the glory in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. And thank you for learning the song with me. Merci d'avoir appris le chant avec moi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. I love to sing for God. J'aime chanter pour Dieu. And I don't care about you. Et je m'en fous de toi. Hallelujah. Amen. Amen. Tonight we want to continue our topic. Ce soir, nous voulons continuer notre sujet. Hallelujah. Amen. On faith. Sur la foi. Hallelujah. Amen. He said that without faith, it is impossible to please God. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. And for he that cometh to God must believe that he is, and he is the rewarder of them that diligently seek him. Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hallelujah. Amen. He is. Il est. Hallelujah. Amen. He is. Il est. He is El Shaddai. Il est El Shaddai. He is Jehovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. He is. Il est. He is alive. Il est vivant. You must believe that he is alive. Tu dois croire qu'il est vivant. You must believe that he is there. Tu dois croire qu'il est là. You must believe that he is the one who is rewarding you. Tu dois croire que celui qui te, récompense et qui va te sauver. He is going to bless you. Il va te bénir. It's not a human being. Ce n'est pas un être humain. But God. Mais Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Most of the time, we make the mistake of thinking that it's somebody who is going to bless me. La plupart du temps, on fait l'erreur de commet l'erreur de penser que c'est quelqu'un qui va nous bénir. Yeah, it's not bad. I mean, it's God who works through somebody. Ce n'est pas mal parce que c'est Dieu qui travaille à travers les personnes. Hallelujah. Amen. But you shouldn't forget that it's God who will touch the person to bless you. Mais tu ne dois pas oublier que c'est Dieu qui va toucher la personne pour te bénir. Hallelujah. Amen. So we need to know that the source. Donc nous devons savoir que la source. The source. La source. Is God. C'est Dieu. Hallelujah. Amen. So let's place our whole life. Donc plaçons toute notre vie in the hands of God. Dans les mains de Dieu. I remember when I was going to marry. Je me souviens quand j'allais me marier. I was thinking, is it right? Is it not right? Je me demandais, est-ce juste ou ce n'est pas juste? Is it correct? Est-ce que c'est correct? 1 week, 2 weeks, some few weeks to marry. À quelques semaines du mariage. Just thinking whether it's the right choice. Je me demandais si c'était le bon choix. Or is the right thing to do. Ou si c'est la bonne chose à faire. Hallelujah. Amen. But I just realized that I just want to commit it to God. Mais j'ai réalisé que je voulais juste remettre ça à Dieu. Hallelujah. Amen. I just have to believe God. Je dois juste croire en Dieu. Believe God. Croire en Dieu. Because you, as a human being, you'll never be sure. Parce qu'en tant qu'être humain, tu ne seras jamais sûr. Hallelujah. Amen. So you just have to give it to God. God, now take control. Donc tu dois juste remettre ça à Dieu et dire Dieu prends le contrôle. Yeah. And I told God that if it doesn't work, He's the one. Okay. J'ai dit à Dieu que si ça ne marche pas, c'est toi. Because me, I can't do it. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So that's the attitude that you need to have towards God. Donc c'est l'attitude que tu dois avoir envers Dieu. And the Bible says that He's happy. Et la Bible dit qu'il est He's heureux. Pleased. Il est heureux. When you do that. Quand tu le fais. Hallelujah. That this situation, God, I give it to you. Que cette situation, Dieu, je te la donne. I give it to you. Je te la donne. Hallelujah. Amen. Amen. And we looked at what is faith. Faith. Nous avons vu c'est quoi la foi. Faith in Hebrews chapter 11 verse 1. Can we read it together? La foi dans Hébreux 11 verset 1. Can we read it together? Pouvons-nous lire ensemble? Hallelujah. Amen. Are you ready to make some confessions? Allez-vous faire des confessions? Hebrews chapter 11 verse 1. Hébreux 11, 1. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 11 verse 1. All of us, we are reading. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hallelujah. Amen. The assurance of the substance of things hoped for. Une ferme assurance des choses qu'on espère. And the evidence of things not seen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. And that's the same thing that Abraham did. C'est la même chose qu'a fait Abraham. Yeah. Abraham believed. Abraham a cru. He believed God. Il a cru en Dieu. When it was impossible humanly. Quand c'était impossible de manière humaine. To have a child. D'avoir un enfant. The child was not in sight. L'enfant n'était pas en vue. If the wife, Sarah was 30 years, 25 years. Si Sarah avait 30 ans, 25 ans. You would have hope. On aurait eu l'espoir. That, oh, 25, 30, maybe 40. it's possible to be pregnant. Que au 25, 30, peut-être 40 ans, c'est possible d'être enceinte. Hallelujah. Amen. But Sarah was with 2 times or 3 times the age of childbearing. Sarah faisait 2 à 3 fois l'âge de donner naissance. Hallelujah. Amen. So there was no possibility. Donc il n'y avait pas de possibilité. As humans. En tant qu'humain, when you look at it, quand tu regardais à la situation, like the situation, there's nothing possible about it. C'est comme il n'y avait rien de possible concernant cette situation. But Abraham believed. Mais Abraham a cru. Because God has said it. Parce que Dieu l'a dit. That I'll give you a child. Que je te donnerai un enfant. And you have your children be like a nation. Et ton enfant sera comme une nation. Hallelujah. Amen. Who's the one standing there? Ah, okay. Because one day we're here, somebody came to take our motor. Parce qu'on était ici une fois et quelqu'un est venu voler notre moto. So we're not tolerant. Donc on ne va plus tolérer ça. Hallelujah. Amen. Yeah. So Abraham believed. Donc Abraham a cru. When it was impossible. Quand c'était impossible. Tonight I want you to behave like Abraham. Ce soir je veux que tu te comportes comme Abraham. If it's a situation that's impossible in your life. Si une situation qui est impossible dans ta vie. Believe it. Quoi? Believe it. Quoi? That it's possible. Que c'est possible. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, believe it, like Abraham. Quoi, comme Abraham? And when you look at in the Bible, quand tu regardes la Bible, the people that were blessed, les personnes qui étaient bénies, the people that received miracles, celles qui ont reçu des miracles, the people that were healed, les personnes qui étaient guéries, was because of their faith. C'était à cause de leur foi. Hallelujah. Amen. Said that thy faith, ta foi, thy faith has saved thee. Ta foi t'a sauvé. Thy faith has made thee whole. Ta foi t'a guéri. According to thy faith. Selon ta foi. Hallelujah. Amen. According to thy faith. Selon ta foi. When he saw the faith. Quand il a vu la foi. Said thy sins are forgiven. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah, that's what salvation. You need to believe in your heart. Voilà pourquoi le salut tu dois croire dans ton cœur. Believe in your heart. Croire dans ton cœur. That God has saved you through Jesus. Que Dieu t'a sauvé à Jesus travers Jésus. Paid the price. Jésus a payé le prix. You believe it. Et tu crois ça. And you confess it. Et tu le confesses. You are saved. Tu es sauvé. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Because if you want to wait to be righteous before you are saved. Parce que si tu veux attendre d'être juste avant d'être sauvé. Nobody will be saved. Personne ne sera sauvé. True or not? Vrai ou faux? That, oh, I want to stop this one. I want to stop this one. I want to do like this. I want to be correct. Tu as dit, oh, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, I je veux être correcto, correct. Perfecto. Je veux être parfait. Correcto, perfecto. Je veux être correct, parfait. Hallelujah. You want to be wait to be correcto, perfecto. Tu veux attendre d'être correcto, perfecto. Correcto, perfecto. Correcto, perfecto. You will never be correcto, perfecto. Tu ne seras jamais correcto, perfecto. Look at your neighbor. Regarde à ton voisin. If you want to wait for correcto perfecto, si tu veux attendre correcto perfecto, you will never be correcto perfecto. Tu ne seras jamais correcto perfecto. You just have to believe God. Tu dois juste croire en Dieu. Hallelujah. Amen. Wow. So we looked at different types of faith. Donc nous avons vu différents types de foi. Small faith. La petite foi. Weak faith. La foi faible. Great faith. Une grande foi. Hallelujah. Shipwreck faith. Une foi naufragée. Strong faith. Une foi forte. Exceeding growing faith. Une foi qui grandit extrêmement. Full of faith. La plénitude de la foi. Rich in faith. La richesse de la foi. These are different types of faith, level of faith. Ce sont les différents types de foi. Hallelujah. Amen. Yeah, most of our faith are weak. La plupart d'entre nous, notre foi est faible. Or small. Ou petite. Yeah. But during this few weeks that we talk about faith. Mais pendant ce peu de semaines que nous allons parler de foi, your faith will grow. Ta foi va grandir. And be strong faith. Et sera forte. Great faith. Une grande foi. You believe God. Tu vas croire en Dieu. And you see that your life will be changing. Et tu verras que ta vie va changer. Because God will change it for you. Parce que Dieu va la changer God pour toi. God will be pleased with you. Dieu sera content God de toi. Will be happy with you. Dieu sera content de toi. Small girl, small boy, God will be happy with Petite you. Fille, petit garçon, Dieu sera content de toi. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? And we're talking about how to increase your faith. Et nous avons vu comment augmenter ta foi. The first thing is what? La première chose c'est quoi? Romans 10, 17. Romains 10, 17. Let's read it together. Lisons ensemble. Are you here? Êtes-vous là? Do you like the message? Aimez-vous le message? Yeah. Romans 10, 17. Romains 10, 17. It's a key verse. It's a key verse. C'est un verset clé. A key verse. Un verset clé. Hallelujah. Amen. Amen. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romains 10, 17. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You have faith based on what you hear. Tu as la foi basée sur ce que tu vois. Hallelujah. Yeah. Your faith is affected by what you hear. Ta foi est affectée par ce que tu vois. Your faith can be weak based on what you hear. Ta foi peut être faible basée sur ce que tu vois. So if you believe, if you hear the wrong thing, donc si tu écoutes la mauvaise chose, your faith will be strong in the wrong thing. Ta foi sera forte dans la mauvaise chose. Yeah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So if you hear the wrong thing, donc si tu écoutes la mauvaise chose, see that your faith, you have faith in the wrong thing. Donc tu auras la foi dans cette mauvaise chose. And you see that your life is getting destroyed. Et tu vois que ta vie va se détruire. Some of you believe that men are bad. Certains d'entre vous croyez que les hommes sont mauvais. Because you heard your mother saying it. Parce que tu as écouté ta mère le dire. Because somebody deceived your mother. Quelqu'un a trompé ta mère. And your mother keeps saying it. Et ta mère ne faisait que le répéter. Saying it. Le répéter. Saying it. Le dire. That all men are bad. Que tous les hommes sont mauvais. So you grow up. Donc tu as grandi. Believing that all men are bad. En croyant que tous les hommes sont mauvais. Yeah. A certain young lady got married. Une certaine jeune fille s'est mariée. And then on the wedding day. Et le jour du mariage. The mother told her. La mère lui a dit. Be careful. Fais attention. Be wise. Sois sage. Yeah. So. She entered the marriage with a certain mind. Donc elle est entrée dans le mariage avec une certaine pensée. See that the marriage will not be correct. Donc le mariage n'était pas correct. Because of that mind. À cause de. So be careful what you hear. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Hallelujah. Amen. But here God, the Bible is telling us. Mais ici la Bible nous dit. Faith comes by hearing, right? Hearing by the word of God. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. So it means that what you hear, donc ça veut dire que ce que tu entends, should be aligned with the word of God. Doit être en accord avec la parole de Dieu. Yeah. If it's not, then it shouldn't be something that you hear. Si ça ne l'est pas, donc ça ne devrait pas être quelque chose que tu écoutes. Because it can affect you. Parce que ça peut t'affecter. And it can destroy your life. Et ça peut détruire ta vie. If it's not the word of God. Si ce n'est pas la parole de Dieu. If it's not aligned. With the word of God. Si ce n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, si ce n'est pas dans la Bible, hallelujah, because you know there are a lot of voices. Parce que vous savez, il y a plusieurs voix. A lot of voices in this world. Plusieurs voix dans ce monde. And most of us we listen to those voices. Et la plupart d'entre nous écoutons ces voix. Yeah. One of those voices is the voice of our friends. L'une de ces voix, c'est la voix de nos amis. Yeah. Your friend, whatever your friend tells you, believe it. Quel que soit ce que ton ami te dit, tu y crois en ça. Even the word of God is not as strong. Même la parole de Dieu n'est pas aussi forte. Yeah. The voice of your friend is very strong. La voix de ton ami est très forte. Very strong. Très forte. Yeah. You can be here. Your friend will be at home. Tu peux être ici et ton ami à la maison. And your friend will call you that come. Et ton ami va t'appeler, viens. And you can leave the church and go. Et tu peux quitter l'église et partir. Some people do that. Because the voice of your friend is strong. Parce que la voix de ton ami est forte. So be careful the friend you have. Donc fais attention aux amis que tu as. Yeah. And I'll keep on saying it. Et je vais le répéter encore. Saying it. Répéter encore. If your friend is not in church, si ton ami n'est pas à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Something wrong with you. Quelque chose qui ne va pas avec toi. Hallelujah. If your friend does not believe in what you believe in, there's something wrong with you. Si ton ami ne croit pas en ce en quoi tu crois, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Yeah, and that would affect you. Et ça va t'affecter. Definitely. Définitivement. Or else the Bible is not true. Ou alors la Bible n'est pas vraie. Alléluia. Amen. And the Bible is not true. Donc la Bible n'est pas vraie. The bad company corrupt good morals. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. That's what the Bible is saying. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Yeah. So you must make sure that your friend, your close friend, is in God, believe in God, believe in Christ. He's saved. He's born again. Donc tu dois t'assurer que ton ami proche croit en Dieu et est né de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You shouldn't have a close friend in the world. Tu ne dois pas avoir un ami proche dans le monde. Or else you find yourself in a group of dual people. Ou tu vas te retrouver dans un groupe de personnes duelles. Dual. You are in church, you are in the world. You are in church, you are in the world. Tu es à l'église, tu es dans le monde. Yeah. Some people are that. Yes, you come to church, but you when you go, you fellowship with the world. Il y a des personnes comme ça. Tu es venu à l'église, mais quand tu t'en vas, tu communies avec le monde. Yeah. It's dangerous. C'est dangereux. Alléluia. Mm-hmm. Are you here? Êtes-vous là? Why are you quiet? Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux? Alléluia. Amen. So be careful what you hear. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Yeah. Some of us we hear the devil. Certains de nous écoutons le diable. But that's another voice. Ça c'est aussi une autre voix. There are at least 12 voices. Il y a au moins 12 voix. Yeah. The voice of the devil. La voix du diable. He'll be speaking to you. Il va te parler. Telling you. Il va te dire. Yeah. There was a pastor's wife. Il y avait la femme d'un pasteur. Yeah. Another prophet saw it in the vision. Un autre prophète a vu ça dans une vision. Yeah. Pastor's wife. Femme d'un pasteur. Who the devil was speaking to. À qui le diable parlait. She was in front of the mirror. Elle était devant un miroir. She was dressing up. Elle s'habillait. And the devil in a form a monkey. Et le diable sous forme d'un singe was on her shoulder. Était sur son épaule. And was speaking to her. Et il lui parlait. You see, you are beautiful. Tu vois, tu es belle. Look at yourself in the mirror. Regarde-toi dans la glace. I know she used to sing. Et she sings in church. Et elle chantait à l'église. It's like, look at the way you are beautiful. You have a nice voice. Et regarde comment tu es belle. Tu as une belle voix. If you go in the world, tu vas dans le monde and sing, et chantes, you'll be famous. Tu seras célèbre. It's not nene. C'est pas refuse nene. It. It's not nene. Refuse ça. Hallelujah. So the first time the voice spoke to her, are you here? First time the voice spoke. La première fois que la voix lui a parlé. Hallelujah. Mm-hmm. She dismissed the voice. Elle a renvoyé la voix. Yeah. The second time the devil came again. La deuxième fois le diable est venu encore. Same thing. La même chose. Beautiful. Tu es belle. You can sing in the world. Tu peux chanter dans le monde. Be famous. Tu seras célèbre. You have a lot of money. Tu auras beaucoup d'argent. Dismissed once again. Il a encore envoyé la voix. And the third time the devil came again. Et la troisième fois le diable est venu. You know the devil is very stubborn. Vous savez le diable il est très têtu. Yeah, he will come again. Il va venir encore et encore. To tempt you. Pour te tenter. To try if you fall. Pour essayer voir si tu vas tomber. Yeah. And the third time. Et la troisième fois. She started to consider what the devil was saying. Elle a commencé à considérer ce que le diable disait. Yeah. And the prophet saw it. Et le prophète l'a vu. In a vision. Dans une vision. What the devil said. Ce que le diable a dit. The prophet saw her transparent. Le prophète l'a vu transparent. Like a transparent glass. Comme une glace transparente. He saw that what the devil said was a small black dot in her mind. Et il a vu que ce que le diable a dit était un petit point noir dans sa pensée. Then when she started to consider what the devil said. Donc elle a commencé à considérer ce que le diable a dit. The black dot moved. Slowly into her heart. Le point noir est descendu doucement jusqu'à son cœur. And she changed completely. Et elle a changé complètement. And she left the church. Et elle a quitté l'église. So be careful the imagination, the thoughts, the thing that the devil tells you. Donc fais attention aux imaginations et aux pensées que le diable te dit. If it's not in line with the word of God, si c'est pas en accord avec la parole de Dieu, you don't need to consider it. Tu ne dois pas la considérer. It was speaking to us. Le diable nous parle. Speaking to us. Il nous parle. All the time. Tout le temps. Yeah. But there's a voice of God. Mais il y a la voix de Dieu. That's why you need the word of God. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole so de Dieu. Any thought, afin que toute pensée, any imagination, toute imagination, anything that comes to your mind, toute chose qui vient dans tes pensées, you need to test it with the word of God. Tu dois tester cela avec la parole de Dieu. If it's not, si ce n'est pas, you don't need to think about it. Donc tu ne dois pas penser à cela. You need to refuse it. Tu dois refuser cela. Yeah. Some of you, the devil is telling you that you will not succeed. Certains d'entre vous, le diable vous dit que vous n'allez pas réussir. And some of it is entered into your heart. Et c'est dans vous, c'est rentré dans votre cœur. And you are always discouraged. Et tu es toujours découragé. You are always sad. Tu es toujours triste. You always think about bad to happen to you. Tu penses toujours que le mal va t'arriver. Who said so? Qui a dit ça? Who said so? Qui a dit ça? Who said so? Qui a dit ça? Is the devil saying it? C'est le diable qui le dit. Hallelujah. Amen. God has not said so. Dieu n'a pas dit cela. Wow. You like the word? Aimez-vous la parole? Yeah. So be careful the thought. Be careful the thought. Donc fais attention aux pensées. The devil always will come with a thought. Le diable viendra toujours avec une pensée. With something to tell you. De quelque chose à te dire. Something to say about you. Quelque chose à dire sur toi. Yeah. It will give you evidence. Il va te donner des preuves. Sometimes. Parfois. To back. Pour supporter. Just like a writing dissertation. C'est comme si tu écrivais une dissertation. Then you put forward a statement. Et il va avancer un argument. Then you bring you bring an example to support it. Et il va apporter des exemples pour supporter cela. That's what the devil does. C'est ce que le diable fait. Some of us we are confused. Et certains de nous sommes confus. Very confused. Très confus. Très confus. Yeah, some of us the devil will tell us we if you leave this boy, you can't marry. C'est un vous le diable va vous dire si vous quittez ce garçon, vous ne pourrez plus vous marier. And you believe it so much. Et tu le crois tellement. And you realize that what you are in is not correct. Et tu réalises que ce dont quoi tu es n'est pas correct. But because you believe it. Mais à cause parce que tu crois cela. That this is the only person who can marry me. Que c'est la seule personne qui peut m'épouser. And even though the person is behaving strangely. Même si la personne se comporte bizarrement, we are not able to leave. Tu n'es pas capable we are de partir. Able to separate ourselves. Tu n'es pas capable de te séparer. And we say petit ami, petit ami, petit ami. Et on dit petit ami, petit ami, petit ami. Yeah. Who says so? Qui a dit ça? Who says so? Qui l'a dit? That is only this person. Mais c'est seulement cette personne. Who says so? Qui l'a dit? Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you trying to? Are you looking at some thoughts in your mind? Est-ce que vous êtes en train de voir something? Certaines pensées que le diable vous dit. Do you have a monkey on your shoulder? Avez-vous des singes sur les épaules? Talking to you right now. Qui vous parle maintenant? It's real. C'est réel. It's real. C'est réel. They are not stories. Ce ne sont pas des histoires. Go and read the Bible. Va lire la Bible. All the animals in this world are in the spiritual world. Tous les animaux sur cette terre sont dans le domaine spirituel. Some of you are fighting. Certains d'entre vous luttez. They are just an animal who has come. C'est juste un animal qui est venu. Some of you are deceived. It's an animal who has come. Vous êtes trompé. C'est un animal qui est venu. And you know the animal that deceives you. Et vous savez les animaux qui vous trompent? Serpents. Serpents. Snakes. Les serpents. The snake who deceives us. C'est un serpent qui nous trompe. The snake who deceives Eve in the garden. C'est un serpent qui a trompé Eve dans le jardin. Yeah. Serpent. Un serpent. Serpent. Un serpent. You know why? Vous savez pourquoi? A serpent can be here 20 years. Un serpent peut être ici pendant 20 ans. In your house 20 years and you won't see. Dans ta maison pendant 20 ans et tu ne le verras pas. They are fantastic. Ils sont fantastiques. Yeah. So deception. Donc la tromperie. Deception. La tromperie. Wow. Wow. But from today. Mais à partir d'aujourd'hui. Any thought from the devil. Toute pensée du diable. You cast it out from your life. Tu brises ça de ta vie. Yeah. You close your ears from evil thoughts. Tu fermes tes oreilles aux pensées négatives. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yeah. Hallelujah. Are you here? So let's continue. Donc continuons. Yeah. So one way to have faith is hearing. Donc l'un des moyens hearing. Pour avoir la foi, c'est écouter, hearing. Écouter. It's good to hear again. C'est bon d'écouter hear encore, again. Écouter when encore. You hear the word, quand tu écoutes la parole, it touches your heart. Ça touche ton cœur. Hear it again. Écoute-la encore. Listen to it again. Écoute-la encore. Again. Encore. Again. Encore. Enters your heart. Afin que ça entre dans ton cœur. And you begin to bear fruit. Et tu vas commencer à porter du fruit. Yeah. Enters your heart. Ça entre That's ton cœur. That's why the Bible says that the people, you know, you hear the word. When people hear the word. Alors quoi, la Bible dit que quand les gens écoutent les paroles. And they are happy. Ils sont contents. Then they go to sleep. Et ils vont dormir. The devil comes to steal the word. Le diable vient voler la parole. It's like you have never heard the word. C'est comme tu n'avais jamais écouté cette yeah. parole. The Bible, that's why the Bible says, guard your heart diligently. Voilà pourquoi la Bible dit, prends soin de ton cœur avec diligence. Yeah. Guard your heart. Garde ton cœur. Guard your heart. Garde ton cœur. Yeah. What enters your heart? Ce qui entre dans ton cœur. If it's good. Si c'est bien. It should be kept. Ça doit être gardé. Yeah. And you need to listen again. Et tu dois écouter encore. Because the devil will steal. The first time you listen, the devil come and steal it. Parce que la première fois que tu vas écouter, le diable viendra voler. Yeah. And we don't have the capacity to keep all the things that we listen to. Nous n'avons pas la capacité de garder toutes les choses que nous écoutons. Yeah. You hear it once, you only keep small parts. Tu as écouté une fois, 10%. Tu n'as gardé que 11%. So you need to hear again. Donc tu dois écouter you encore. Add 5%. Pour ajouter 5%. Hear again. Écouter then encore. Add percentage. Et tu ajoutes encore un 5%. Again. Here. At the point, you have all the message. Tu écoutes encore et encore, et à un moment donné, tu auras tout le message. Yeah. And the power in the word of God. Et la puissance dans la parole de Dieu. Will take over your life. Va prendre contrôle de ta vie. Hallelujah. Amen. Yeah. John chapter 6 verse 63. John 6 63. Yeah. John chapter 6 verse 63. John 6 63. Do you know it? Est-ce que vous connaissez? Yeah. It says what? Ça dit quoi? It's the spirit that quickens. C'est l'esprit qui vivifie. It's the spirit that quickens. C'est l'esprit qui vivifie. Hallelujah. Amen. The words that I speak unto you. Les paroles que je vous dis. Is a spirit and life. Elles sont esprit et vie. Hallelujah. Amen. In the word of God there is life. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. In the word of God, there's a spirit. Dans la parole de Dieu, il y a there's un esprit. An anointing. Il y a une onction. Will do good to your life. Qui va faire du bien dans ta will vie. Change your life. Qui va changer ta vie. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. I want you to believe the word of God. Je veux que tu crois en la parole de Dieu. Be a man of faith. Sois un homme de foi. Be a girl of faith. Sois une fille de foi. Some of you are receiving a spirit tonight. Certains vous recevez un esprit ce soir. Of faith. Un esprit de foi. Yeah. You begin to move mountains. Tu vas commencer à déplacer des montagnes. What's going on? What's going on? Hallelujah. Amen. Another thing, your faith is affected by what you see. Ta foi est affectée par ce que tu vois. Hallelujah. Amen. What you see. Ce que tu vois. Yeah. When Jesus walked on water. Quand Jésus a marché sur l'eau, and then entered the boat, il est monté sur le bateau, or was coming, où il venait, to enter the boat when they were in the boat, pour aller monter dans le bateau. Hallelujah. Amen. And Peter said, et Pierre a dit, allow me also to walk on water like you. Permets-moi aussi de marcher sur l'eau comme toi. Yeah. And Jesus said, oh, come. Jésus a dit, oh, viens. And with faith. Et avec he foi, believed what Jesus said. Il a cru ce que Jésus a dit. And he started to walk on water. Il a commencé à marcher sur l'eau. Then he saw. Ensuite, il a vu. The waves. Les vagues. Waves. Les vagues. And he was afraid. Et il a eu peur. His faith left. Sa foi l'a quitté. And he began to sink. Et il a commencé à s'enfoncer. And Jesus held his hand. Jésus a pris sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. You see the secret there? Vous voyez le secret là-bas? A lot of us, we see a lot of things around us. C'est ça, nous voyons beaucoup de choses autour de nous. And our faith is gone down. Et notre foi diminue. What you see. Ce que tu vois. Ça affecte ta foi. You can also see things that will increase your faith. Tu peux aussi voir des choses qui vont augmenter ta foi. Wow. Are you here? Êtes-vous là? There you see somebody who is crippled. Et tu vas voir quelqu'un qui est infirme. Yeah. And then the power of God heals the person. Et la puissance de Dieu guérit la personne. You see that your faith is also okay. Tu vois que ta foi aussi peut grandir. If this person is healed, que, oh, si cette personne est guérie, me too, I can be healed. Moi aussi, je peux être guéri. Yeah. Wow. Wow. Yeah. So what you see. Donc, ce que tu vois. Be careful what you see. Fais attention à ce que tu vois. Yeah. Your faith also can increase, can be affected by using it. Ta foi aussi peut être affectée alors que tu l'utilises. Yeah, you can have more faith when you use it. Tu peux avoir plus de foi quand tu l'utilises. Hallelujah. Amen. Amen. You believe that something happened and you take a step of faith. Tu crois que quelque chose va arriver et tu prends un pas de foi. Hallelujah. Mais, and you see that it happened. Et tu vois que ça se passe. It will increase your faith. Ça va augmenter ta foi. If you don't use your faith, the Bible says that it's a dead faith. Si tu n'utilises pas ta foi, la Bible dit que c'est une foi morte. Hallelujah. Mais, your faith is dead. Ta foi est morte. If you don't use it. Si tu ne l'utilises pas. So in order we need to use our faith. Donc tout ça, nous devons utiliser notre foi. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. I think I'll finish. I've said what that I need to say. Romans chapter 8 verse 32. Romains 8, 22. 32. Hallelujah. Yeah. Romans. Chapter 8 verse 32. Romains 8, 32. The Bible said that he that spared not his son but delivered him up for us, how shall he not with him freely give us all things? Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Hallelujah. Amen. Yeah. If God has given his son, holy son, si Dieu a donné son fils unique, just to save us, juste pour nous sauver. The Bible says that how much more God will not give us all the things that we need. Il dit combien à plus forte raison Dieu ne va pas nous donner tout ce que nous demandons. Hallelujah. Amen. You ready with me? Vous avez lu avec moi. Romains 8. Verse 32. Verset 32. Hallelujah. Amen. God will give us freely all things. Il va nous donner freely all things. Il va nous donner librement toutes choses. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. It's only the devil who will take away things from our life. C'est juste le diable qui va enlever les choses de nos vies. John chapter 10 verse 10. Jean 10, 10. It says that the thief cometh, but for to steal, to kill, and to destroy. For I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Jean 10, 10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Amen. So Amen. God is the Father, is our Father. Donc Dieu est notre Père. And he wants to give us all things. Et il veut nous donner toutes les choses. But the devil, mais le diable, is the one who doesn't want good things in your life. C'est celui qui ne veut pas les bonnes choses dans ta vie. The devil can never be your friend. Le diable ne peut jamais être ton ami. Yeah, he's not your friend. Ce n'est pas ton ami. Hallelujah, yeah. It's only God. C'est seulement Dieu. He wants to give you all things. Il veut te donner toutes Abraham, choses. Abraham, he blessed Abraham. Il a béni Abraham. He was El Shaddai. Il était El Shaddai. The breasted one. Celui qui a les seins. The breasted, he had breast. Il avait des seins. He has a lot of breast. Il a beaucoup de seins. To feed you. Pour te nourrir. Yeah. El Shaddai. Yeah, El Shaddai. God described as a breast. You know breast. Est-ce que vous connaissez la poitrine? You know breast. La poitrine. Yeah, to feed. Donc, pour nourrir. Hallelujah. Amen. So he can feed you. Donc, il peut te nourrir. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. El Shaddai be the breast. El Shaddai est celui qui a les saints. It's Jehovah Jireh. Translate. Hallelujah. The Bible says every good and every perfect thing come from God. La Bible dit que tout don bon et parfait vient de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. He's the one who will heal you. C'est celui qui va te guérir. He's the provider. Il est le pourvoyeur. He's the healer. Il est le guérisseur. He's the deliverer. Il est le libérateur. But the devil is the opposite. Mais le diable, c'est l'opposé. So you need to believe in God. Donc tu dois croire en for Dieu. Every good thing in your life. Pour toute bonne chose dans ta vie. You want to wear good, nice clothes? Tu veux porter de beaux habits? Believe God. Crois en Dieu. You want to have nice hairstyle? Tu veux avoir une jolie coiffure? Believe God. Crois en Dieu. Believe God. For good things. Pour les bonnes choses. You want to have good marriage? Tu veux avoir un bon mariage? Believe God. Crois en Dieu. You want to have good job? Tu veux avoir un bon travail? It comes from God. La Bible dit cela vient de Dieu. Believe God. Crois en Dieu. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Certains ne disent pas Amen. Hallelujah. Are you here? Yeah. Wow. One of the ways. L'un des moyens. The Bible says. La Bible dit. John chapter 15. Jean chapitre 15. Let's read. Lisons. John chapter 15 verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hallelujah. Mark chapter 11 verse 24. Mark 11, 24. Therefore I say unto you, whatsoever things ye desire, when ye pray, believe that ye receive it, and ye shall have them. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Hallelujah. Are they nice verses? Écoute, ce sont des bons versets. They are talking about you. On parle de toi. If you believe, si tu crois, and you ask, et tu demandes, you receive, tu recevras. A lot of us, we don't have it because we don't ask. Beaucoup d'entre nous n'avons pas ça parce que nous ne demandons pas. We don't believe, so we don't ask. Nous ne croyons pas, donc nous ne demandons pas. But I want you to believe and ask. Mais je veux que tu crois et que tu demandes. Believe, because he said, if you desire, pray. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez en priant. And he said in John, say, he shall ask. Il dit vous demanderez. It's all about your mouth. That say it. You shall ask. You shall pray. Tu vas demander. Tu vas prier. You shall say. Tu diras. He didn't say who whosoever desire. Il n'a pas dit tout ce qui désire. Or whosoever wish. Ou tout ce qui souhaite. If you wish. Si tu souhaites. Then you receive. Et tu reçois. A lot of us we wish, but we don't ask. Certains d'entre nous nous souhaitons, mais nous ne demandons pas. You wish is like this, but you don't ask. Tu souhaites, mais tu ne demandes okay, pas. Maybe it will happen. Okay. Okay, peut-être ça va arriver. Okay. Some people hope. Okay, I hope. Certains espèrent. Oh, j'espère. But I said, believe. Mais il dit quoi? And ask. Et demande. Say it. Dis-le. Pray. Prie. Open your mouth. Ouvre ta bouche. And say it. Et dis-le. Wow. One of the powerful things that God has given us. L'une des puissantes choses que Dieu nous a donné. Is the power of saying. C'est la puissance de la parole. Yeah. Tu dis. C'est. Dire. C'est. Dire. Claim it. Proclame ça. Take it. Prends. Can you take what you want? Peux-tu prendre ce que tu veux? Can you name it? Peux-tu nommer ça? What you want, you name it. Ce que tu veux, tu nommes ça. You have a name, give the name and name it. Tu donnes un nom à la chose. And you take it. Et tu la prends. With faith. Avec foi. By your mouth. Par ta bouche, à travers ta bouche, à travers ta bouche. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. The Bible says, death and life are in the power Proverbe 18, 21, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. They that love it shall eat the fruit thereof. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ah. Wow. There is power in your mouth. Il y a la puissance dans ta bouche. There is power in your mouth. Il y a la puissance dans ta bouche. There is power in your mouth. Il y a la puissance dans ta bouche. There is power in your mouth. Il y a la puissance dans ta bouche. You can say life. Donc tu peux dire la vie. You can confess life. Tu peux confesser la vie. You can say life. Tu peux dire la vie. You can confess good things. Tu peux confesser de bonnes choses. And if you love it, si tu l'aimes, you will have it. Tu l'auras. If you believe it, si tu crois en ça, you will have it. Tu l'auras. We need, it's time to stop saying, to confessing death. Il est temps d'arrêter de confesser la mort. It's time to stop. C'est temps d'arrêter. It's time to stop. Il est temps d'arrêter. Because it will put you on a certain course. Parce que ça te met sur une certaine voie. Of negativity. De négativité. Of bad things. De mauvaises choses. Your life is going in a certain way. Donc tu verras que ta vie va dans une certaine direction à cause de ce que tu as dit. Because of what you said. De ce que But tu as dit. Today, mais à partir d'aujourd'hui, to change it. Commence à changer cela. I will not die. Je ne mourrai pas. I will live. Je vivrai. I have life. J'ai la vie. I'm strong. Je suis fort. I'm not sick. Je ne suis pas malade. I'm healed. Je suis guéri. I'm conquering. Je conquère. I'm succeeding. Je réussis. I'm moving forward. J'avance. You believe it? Est-ce que vous croyez? Allez. I don't know whether you are Christian or not. Je ne sais pas si vous êtes des chrétiens ou pas. I don't know. Je ne sais pas. The Bible says the just shall live by faith. La Bible dit le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Le juste vivra par la foi. That's why when you start, when we look at different type of confession. Voilà pourquoi on va voir les différents types de confessions. Yeah. Different. The first one. La première. Is confession of your sin. C'est la confession de tes péchés. Yeah. The saying. The starting point of the saying. La, le commencement des confessions. Is the confession of your faith. C'est la confession. La confession de tes péchés. Hallelujah. Amen. 1 John chapter 1 verse 8. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Yeah. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Confessing to your father. Tu confesses à ton père. Because the Bible says that we are all sinners. Parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Yeah. So 1 John chapter 1 verse 8 and 9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. The truth is not in us. If we confess our sins, it's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. 1 Jean 1, 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Are there sinners in the house today? Y a-t-il des pécheurs ici ce soir? Some of us would lie today. Certains d'entre nous avons menti aujourd'hui. Lie. Nous avons menti. Some of us would stolen something today. Certains d'entre nous avons volé quelque chose aujourd'hui. Some of us would fornicated today. Certains d'entre nous avons forniqué aujourd'hui. Fornicated. Forniqué. Allez, les brothers. Les frères en particulier. Les brothers. Les frères. The Bible says, if you look unto a woman. La Bible dit, si tu regardes à une femme. And you lust after her. Et tu la convoites dans ton cœur. You've already committed fornication. Tu as déjà commis la fornication. You haven't even touched her. Tu ne l'as même pas touché. You've committed fornication. Tu as déjà forniqué. Some of the bad thoughts. We have bad thoughts. Certains de nous, nous avons de mauvaises pensées. Some of us jealousy. Certains la jalousie. Yeah. Yeah. Hallelujah. Amen. So the first confession we need to make. Donc la première confession que nous devons faire. So that we can be just. Afin que nous soyons justes. So that just shall live by faith. Parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Anytime you come to God, confess your sins. À chaque fois que tu vas à Dieu, confesse tes péchés. Anytime. À chaque fois. God, have mercy on me. Dieu, aie pitié de moi. Forgive me. Dieu, pardonne-moi. Have mercy. Aie pitié. Because you can't live without sin. Parce que tu ne peux pas vivre sans péché. But I have to realize that only God can forgive you. Mais tu dois réaliser que c'est seulement Dieu qui peut te pardonner. Lord, have mercy. Dieu, aie pitié. Lord, have mercy. Dieu, aie pitié. Have mercy. I've not done anything, but God, have mercy. Je n'ai rien fait, mais Dieu, aie pitié de moi. Because we have sin of commission. Parce que nous avons les péchés de qu'on commet. And a sin of omission. Et des péchés parce qu'on ne fait pas. Omission, omit. L'omission, yeah. Commission and omission. Commission et omission. Then sins of the heart. Et les péchés du cœur. There are three types of sins. Donc il y a trois types de péchés. Sins of commission. Les péchés de commission. And sins of omission. Les péchés d'omission. And a sins of the heart. Et les péchés du cœur. Yeah. Sins of commission. Les péchés de commission. What you actually do. C'est ce que tu fais. You do something wrong. Tu as fait quelque chose de mauvais. Sin of commission. C'est le péché de commission. You fornicated, it's commission. Tu as forniqué, c'est la commission. You stolen, it's commission. Tu as volé, c'est la commission. It's an act. C'est un acte. Hallelujah. But sin of omission. Mais le péché d'omission. It's what you didn't do. C'est ce que tu n'as pas fait. You're supposed to witness to this person. You didn't. Tu devais témoigner à cette personne et tu n'as rien dit. God was talking about speak to us, speak to us. Dieu t'a parlé, parle à la personne, parle à la personne, mais tu ne l'as pas fait. It's a sin of commission. C'est un péché d'omission. You're supposed to pray, you didn't pray. Tu devais prier, tu n'as pas prié. So sin of omission, what you fail to do. Donc le péché d'omission, c'est ce que tu n'as pas pu faire. Have you seen? Avez-vous vu? Like you came to church, you're supposed to give offering, but you didn't give it. Tu es venu à l'église, tu veux donner une offrande, mais tu ne l'as pas donné. When you are coming, you have the money. Quand tu venais, tu avais l'argent. When you came now, then you are looking at something. Then. Quand tu es venu maintenant, the devil spoke to you. Oh, don't give. Le diable t'a parlé, t'a dit, oh, ne donne pas. You knew you were supposed to give. Tu savais que tu devais donner. Sin of omission. Le péché d'omission. You're supposed to pray. Can we stabilize the children? Don't leave them walk around. Let them stay with you. Tell them. Est-ce que vous pouvez aider à calmer les enfants? Ou pas qu'ils se baladent comme ça? On se rate beaucoup de choses. Hallelujah. So, omission. Donc, l'omission. A lot of omissions. Beaucoup d'omissions. I've not done anything. Je n'ai rien fait. Oh, I've not fornicated. Oh, je n'ai pas forniqué. But you are supposed to do something, but you didn't. Mais tu devais faire quelque like chose que tu n'as pas pray, fait. You didn't pray. Comme tu devais prier et tu n'as pas prié. You're supposed to read your Bible, you haven't read it. Tu devais lire ta Bible et tu ne l'as pas lu. How many of us have read our Bibles today? Combien de nous ont lu nos Bibles aujourd'hui? Sins of omission. Péché d'omission. Are you okay now? Do you understand now? Est-ce que vous comprenez maintenant? And it's sins of the heart. Péché du cœur. Those sins are not in the two categories. Ces péchés ne font pas partie des deux catégories. Commission or omission. Commission ou omission. Jealousy. La jalousie. Envy. L'envie. Bad thoughts. Les mauvaises pensées. Yeah, those things. Ces choses. The girls. Comme les filles. Are you here? Êtes-vous là? So you understand the three types of sins. Donc maintenant, est-ce que vous comprenez les trois types de péchés? Three types of sins. So you need to confess them. Donc vous devez les confesser. Lord, forgive. Dieu, pardonne-moi. What I've done wrong. Ce que j'ai fait de mal. Forgive me. Pardonne-moi. What I've not done. Ce que je n'ai pas fait. What I'm supposed to do and I've not done. Ce que je devais faire mais que je n'ai pas fait. And forgive me sins of my heart. Et pardonne-moi aussi les péchés de mon cœur. Things that are inside. Les choses qui sont à l'intérieur. Like pride. Comme l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil. Stubbornness. L'entêtement. Stubbornness. La têtutaise. You're stubborn. Tu es têtu. C'est le spirit of a spirit of witchcraft. C'est un esprit de sorcellerie. Yeah, when you are stubborn. Quand tu es têtu. Ha ha. Hallelujah. Amen. Those things are there. Ces choses sont là. Yeah. See that they say something. Some of you, I'm saying something. Say you will never do it. Certains d'entre vous, je dis quelque chose et vous dites que vous n'allez jamais le faire. You are there. Okay. Yeah, I'm there. Vous dites là, ok, moi je suis là. Pastor said, okay, we've heard. Le pasteur l'a dit, ok, on l'a écouté. But you never do it. Mais tu ne vas jamais le faire. You heart, you never change. Tu as dit dans ton cœur que tu ne vas jamais changer. Word, you say, you never change. Tu as écouté la parole et tu as dit, je ne vais jamais changer. Like, for example, the choir. Par exemple, avec la chorale. They say, oh, let's contribute one CD, one CD. I will never do it. On dit, oh, donnons un CD, un CD. Tu dis, moi, je ne le ferai jamais. Yeah? You say it in your, it's inside, though. C'est à l'intérieur. You don't do anything. Oh, okay. Inside, you know you won't do it. Tu ne fais rien, mais à l'intérieur, tu sais que tu ne le feras That's pas. Stubbornness. Ça, c'est l'entêtement. Never change. Tu vas jamais changer. No matter what they say. Quel que soit ce qu'on va dire. And phlegmatic are like that. Et les phlegmatiques sont comme ça. Forgive. Yeah. Your heart is hardened. Ton cœur est endurci. They don't change. Tu vas pas changer. Talk. They will not change their mind. Tu vas parler. Ils ne vont pas changer leur pensée. They will not change their mind. Ils vont pas changer leur pensée. Let the word touch your heart. Laisse la parole toucher ton cœur. Allow yourself to change. Permets-toi de changer. That's when you see the real blessing. C'est là que tu vois la vraie bénédiction. Those who are not blessed, those who are very hard, they don't want to listen. Ceux qui ne sont pas bénis, c'est ceux qui sont très durs et qui ne veulent pas écouter. Ils ont leur propre pensée. You have your own mind about faith. So all I'm saying is there's something else. Tu as ta propre opinion concernant la foi. Donc tout ce que je dis, c'est autre chose. You are doing something wrong. They advise you. You never stop. Tu fais quelque chose de mauvais, on te conseille, mais tu vas jamais arrêter. A lot of us, we are like that. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Hallelujah. Can we confess those things? Pouvons-nous confesser ces péchés? But that's the starting point. Ça, c'est le commencement. Starting point. Le commencement. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you there? Êtes-vous là? Confession of your sins. La confession de tes péchés. Yeah. Confession of your sins. La confession de tes péchés. The second one, confession of your faith. La deuxième chose, c'est la confession de ta foi. Yeah, confession of your faith. La confession de ta foi. What do you believe in? En quoi est-ce que tu crois? I believe in God. Je crois en Dieu. Oui, je crois. Tu connais le chant? Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Au Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, et nous vivrons à jamais. Oui, je crois dans le nom de Jésus. So you are confessing your faith. Donc tu confesses ta foi. I believe in God. Je crois en Dieu. I believe in Jesus Christ. Je crois en Jésus-Christ. I believe in the Holy Spirit. Je crois au Saint-Esprit. I believe in the resurrection. Je crois en la résurrection. That we will not die. Que nous ne mourrons we'll live pas. Forever. Nous allons vivre éternellement. That's your confession. C'est ta confession. We've forgotten that Jesus Christ saved us. Some of us have forgotten. Certains nous avons oublié que Jésus nous a sauvés. That's your confession of your faith. Donc ça c'est la confession de ta foi. I believe in. C'est en quoi tu crois? Some people believe in rivers. Certains croient aux rivières. Some people believe in trees. Certains croient aux arbres. Some people believe in animals. Certains croient aux animaux. Like if you are in India, you believe in serpents. Si tu es en Inde, tu vas croire aux serpents. But we believe in Jesus. Mais nous croyons en Jésus-Christ. In Jesus Christ. En Jésus-Christ. We believe in the cross. Nous croyons à la croix. We believe in the resurrection. Nous croyons à la résurrection. We believe in heaven. Nous croyons au ciel. Heaven exists. Le ciel existe. We believe in the Holy Spirit. Nous croyons au Saint-Esprit. Who is our helper. Qui est notre aide. We speak in tongues. Nous parlons en langue. We speak mysteries. Nous disons des mystères. That men don't understand. Que les hommes ne comprennent pas. Wow. crois. Wow. Oui, je crois. Oui, je crois. En notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu. Notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois. Oui, je crois en la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection. Que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Yes, I believe. Alléluia. Oui, je crois. Yes, I believe. Oui, je crois. In Jesus Christ. En Jésus-Christ. In God. En Dieu notre Père. In the Holy Spirit. Au Saint-Esprit. In the resurrection. Dans la résurrection. That will live forever. Que nous allons vivre à jamais. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That's our credo. Call it credo. Ça, c'est notre devise. C'est notre devise. Même les catholiques, ils ont des devises. C'est la confession de ta foi. Wow. Wow. Hallelujah. Are you blessed? Êtes-vous béni? Can we close? Pouvons-nous clôturer? Are you close? Pouvons-nous clôturer? So it helps you as you do those confessions. It helps you donc, in your faith. Donc, quand nous faisons ces confessions, ça t'aide dans ta foi. Dans ta foi. It makes you not forget what you believe in. Ça t'aide à ne pas oublier ce en quoi tu crois. Yeah, what you say. Ce que tu chantes. Your conversations. Tes paroles. Be careful your conversations. Fais attention à tes conversations. Because sometimes we say things without thinking. Parfois, on dit des choses sans réfléchir. Il y avait quelqu'un qui avait un bouton. Pimple. Un bouton. And started to say, oh, this is my pimple. Il a commencé à dire, oh, mon bouton. Yeah, this is my pimple. Ce, mon bouton. Yeah, my pimple. Mon bouton. My pimple. Mon bouton. Yeah. And the pimple developed into a cancer. And killed the person. Et le bouton est devenu un cancer et ça a tué la personne. Because it's for him. It's for me. Parce que c'est pour lui. Il a dit c'est pour moi. It's for me. C'est pour my, moi. My pimple. My mon bouton. If you have a pimple, it's not yours. Si tu as un bouton, ce n'est ça ne t'appartient it's pas. It's not mine. C'est pas moi. Non, c'est my sickness. Faut pas dire ma maladie. My sickness. Ma maladie. It's not your sickness. C'est pas ta maladie. It's a sickness. C'est une maladie. And it will go. Et elle va partir. If you say my, then you stay with you. Si tu dis ma, donc elle va rester avec toi. Like this my situation. Comme cette ma situation là. It's not your situation. C'est pas ta situation. It's not yours. Elle n'est pas à toi. And if it's not yours, et si elle n'est pas à toi, it will go. Elle va partir. It will go. Elle partira. It will go. It will go. Elle partira. It will go. Let good things be yours. Que les bonnes choses soient tiennes. Let good things be yours. Que les bonnes choses soient tiennes. Don't say bad things are mine. Ne dis pas les bonnes choses comme étant mon ou ma. Yeah. Alléluia. Proverbe chapitre 2 verse, chapter 6 verse 2. Proverbe 6 2. Alléluia. Yeah, we'll end it very soon and we'll start some confessions. On va clôturer bientôt et on va faire des confessions. Alléluia. Proverbe 2, 6 verse 2. Proverbe 6 2. Thou art snared with the words of thy mouth. And thou art taken with the words of thy mouth. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Wow. Alléluia. In Hebrews chapter 11 verse 3. Dans Hébreux 11, 3. Through faith we understand that the world were framed by the word of God, so that things which are not seen, were not made of the things that do appear. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Amen. So, things that appear in your life, donc les choses qui apparaissent dans ta vie are supposed to be framed by what you say. Sont censées être formées par ce que tu dis. So, what do you want to see? Donc qu'est-ce que tu veux voir? A beautiful life. Une belle vie. A beautiful wife. Une belle femme. A handsome man. Un mari beau. A handsome man, you hold like this. Un bel homme. Tu l'as attrapé comme ça. Happily. Avec joie. Hallelujah. Amen. That's what you want to see. C'est ce que tu veux voir. Say it. Dis-le. Say it. Dis-le. Say it. Dis-le. Say it. Dis-le. Hallelujah. Amen. Aïda. Êtes-vous là? Aïda. Êtes-vous là? Yeah. So let's do some confession because I want to end. Donc faisons les confessions parce que je veux clôturer. Hallelujah. Amen. Are you ready? Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? Are you ready? Êtes-vous prêt? Hallelujah. I can do all things. Je peux faire toutes choses. I can do all things. Je peux faire toutes choses. I can do all things. Je peux faire toutes choses. Do you believe it? Est-ce que tu crois? I can do all things. Je peux faire toutes choses. Because the Bible says it. Parce que la Bible dit. I can do all things. Je peux faire toutes choses. Maybe I should say it in French. Peut-être je dois le dire en français. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous croyez? Sur lui, nous n'allons pas faire beaucoup, mais nous allons faire des confessions puissantes. Yeah. Je puis tout par celui qui me porte. Par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout. Je peux faire tout. Je peux réussir. Amen. Par celui qui me fortifie. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai l'onction pour travailler dur. J'ai l'onction de percer sur ma vie. Je suis oint pour un travail dur. Je suis oint pour un travail dur. Pour un travail dur. Au Amen. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois l'onction. Je vois l'onction. Pour de nouvelles idées. Pour de nouvelles idées. Jaillir sur ma vie. Jaillir sur ma vie. J'ai l'onction pour l'excellence. J'ai l'onction pour l'excellence. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Parce que Dieu m'a donné l'onction. Parce que Dieu m'a donné l'onction. J'ai l'onction de la créativité. J'ai l'onction de la créativité sur ma vie. Sur ma vie. Mes oreilles sont ointes. Mes oreilles sont ointes. J'entends de bonnes choses. J'entends de bonnes choses. J'écoute de bonnes personnes. J'écoute de bonnes personnes. J'ai les informations nécessaires pour réussir. J'ai les informations nécessaires pour réussir. Amen. J'ai les informations nécessaires pour réussir. J'ai les informations nécessaires pour réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps reçoit la sagesse. Mon corps reçoit la sagesse. De Dieu. De Dieu. Mes yeux sont ouverts pour voir des opportunités. Mes yeux sont ouverts pour voir des opportunités. Tout autour de moi. Tout autour de moi. You believe it? Est-ce que vous croyez? Wow. J'apprends de nouvelles choses tous les jours. J'apprends de nouvelles choses tous les jours. Dans l'église. Dans l'église. Je ne suis pas confus. Je ne suis pas confuse. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. Et je ne serai pas honteux. Et je ne serai pas honteuse. La sagesse de Dieu vaut mieux. La sagesse de Dieu vaut mieux. Que la sagesse de l'homme. Que la sagesse de l'homme. Wow. Wow. Are you confessing? Est-ce que vous confessez? With faith. Avec foi. Avec foi. With faith. Avec foi. With faith. Avec foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Déborde. Ma coupe déborde. Je suis béni le matin. Je suis béni le matin. Je suis béni le soir. Et je suis béni le soir. La sagesse m'a apporté la promotion. La sagesse m'a apporté la promotion. La sagesse m'a apporté la promotion. La sagesse m'a apporté la promotion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ou see the difference. Tu verras la différence. Yeah. Of people who confess. De ceux qui confessent. Of people who believe. De ceux qui croient. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yeah. Alléluia. Amen. On va faire quelques confessions sur le mariage. Je n'ai aucune crainte en moi. Je n'ai aucune crainte en moi. Je serai marié dans cette vie. Je serai marié dans cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare fermement. Je déclare fermement que le mariage est pour moi. Que le mariage est pour moi. Je ne serai pas célibataire. Je ne serai pas célibataire. Dieu m'a donné un bon partenaire. Dieu m'a donné un bon partenaire. Les hommes, c'est un bon partenaire. Donc, c'est un bon partenaire, les hommes. Ça, c'est pour les filles. Les hommes convenables. Les hommes convenables. Demandent en mariage. Me demandent en mariage. Amen. Je déclare qu'il en soit ainsi dès maintenant. Je déclare qu'il en soit ainsi dès maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Okay? Je maintiens toutes les conditions spirituelles. Je maintiens toutes les conditions spirituelles. Je maintiens que toutes les conditions spirituelles. Je maintiens que toutes les conditions spirituelles sont remplies dans ma vie. Sont remplies dans ma vie. Pour que j'ai un bon partenaire. Pour que j'ai un bon partenaire. In au Jesus nom de Jésus. Name. Toute malédiction de Marie. Toute malédiction de Marie. Qui m'empêche de me marier. Qui m'empêche de me marier. Est brisé maintenant. C'est brisé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Broken now. It's broken. Yeah. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Des malédictions spirituelles. Des malédictions spirituelles. Et de servitude. Et de servitude. Qui empêche les gens de se marier. Qui empêche les gens de se marier. I receive it right now in the name of Jesus. Je ne lutterai pas. Je ne lutterai pas. Pour trouver un partenaire. Pour trouver un partenaire. J'aurai le choix. J'aurai le choix. Je ne me force pas. Je ne me force pas. Voici mon mari. Voici mon mari. Voici ma femme. Voici. Je la vois concrètement dès maintenant. Je la vois concrètement dès maintenant. Elle est dans ma vie maintenant. Il est dans ma vie maintenant. Dieu a pourvu quelqu'un juste pour moi. Dieu a pourvu quelqu'un juste pour moi. Yeah. Juste. Yeah. Wow. If you don't believe, don't say it though. It's not by force. Si tu ne crois pas, ne dis pas. Nous nous croyons. We will believe. Nous nous croyons. And we'll see it practically. Et nous allons le voir pratiquement. If you don't believe, don't say. Si tu ne crois pas, ne dis pas. Mais nous allons dire. As for us, we believe in God. En ce qui nous concerne, nous croyons en Dieu. And we confess. Et nous allons confesser. We are not intimidated. Nous ne sommes pas intimidés. Where's the devil? Où est le diable? We are not intimidated. Nous ne sommes pas intimidés. J'ai une nouvelle famille en Christ. J'ai une nouvelle famille en Christ. Je déclare fermement. Je déclare fermement. Que les malédictions ancestrales. Que les malédictions ancestrales. Et familiales. Et familiales. N'ont aucune emprise sur ma vie. N'ont aucune emprise sur ma vie. Right now, Jesus. Je crois que Christ m'a affranchi. Je crois que Christ m'a affranchi. Et je suis réellement libre. Et je suis réellement libre. Je suis libéré de l'oppression du diable. Je suis libéré de l'oppression du diable. Dans ma famille. Dans ma famille. Je suis délivré des vices familiaux. Je suis délivré des vices familiaux. Tels que l'ivresse. Tels que l'ivresse. L'immoralité. L'immoralité. Et l'infidélité. Et l'infidélité. Je suis libre de l'esprit de pauvreté. Je suis délivré de l'esprit de pauvreté. Qui est dans ma famille? Qui est dans ma famille? J'ai la victoire sur l'esprit de polygamie. J'ai la victoire sur l'esprit de pauvreté. De querelle. De querelle. Yes. Et de non-accomplissement. Et de non-accomplissement. Des maladies familiales. Des malédictions des maladies. La malédiction des maladies familiales. La malédiction des maladies familiales. Est brisée dans ma vie. Est brisée dans ma vie. Je ne suis plus soumis. Je ne suis plus soumise. À l'hypertension. À l'hypertension. À l'asthme. À l'asthme. Ou à la crise cardiaque. Ou à la crise cardiaque. Au nom de Jésus. Toute maladie mentale. Tout ce qui est maladie mentale. Et dépression dans ma famille. Et dépression dans ma famille. N'a pas d'effet sur ma vie. N'a pas d'effet sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas. Je me sépare de la sorcellerie, du pouvoir d'occulte, des incantations, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis une bonne personne à fréquenter. Je suis une bonne personne à fréquenter. Les malédictions tribales. Les malédictions tribales. Qui remontent de plus de 10 générations. Qui remontent de plus de 10 générations. N'ont aucun pouvoir sur ma vie. N'ont aucun pouvoir sur ma vie. Les malédictions nationales. Les malédictions nationales. Et continentales. Et continentales. De pauvreté. De pauvreté. N'ont pas d'effet sur ma vie. N'ont pas d'effet sur ma vie. Je suis devenu un créateur de richesse. Je suis devenu une créatrice de richesse. Je regorge de biens. Je regorge de biens. Et mes biens sont transférés. Et mes biens sont transférés aux générations qui me suivront. Aux générations qui me suivront. Ma maison est plantée près des cours d'eau. Ma maison est plantée près des cours d'eau. J'appartiens à une famille gagnante. J'appartiens à une famille gagnante. La famille de Dieu. La famille de Dieu. Je suis loin de la méchanceté. Je suis loin de la méchanceté. Et de l'oppression de Satan. Et de l'oppression de Satan. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous servirons le Seigneur. Nous vivrons longtemps. Nous vivrons longtemps. Et nous serons prospères. Et nous serons prospères. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Au nom de Jésus. Poussez un cri de joie. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Parce que la Bible dit. Parce que la Bible dit. Je suis protégé. Je suis protégé. Je suis sous l'abri. Je suis sous l'abri de Dieu. Dieu. Dieu commande les anges. Dieu commande les anges. Pour me prendre dans leurs mains. Me prendre dans leurs mains. Je verrai 10 000 tomber à côté. Je verrai 10 000 tomber à côté. Et je ne tomberai. Et je ne tomberai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Ô Trinité divine. Oui, je crois. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom de Dieu. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Au Trinité divine. Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons. Vivrons. Tu ne vas pas mourir maintenant. Car oui, je crois. Dans le nom. Dans le nom. Oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Je crois en Saint-Esprit. Je crois en son Saint-Esprit. Trinité divine. Oh, Trinité divine. Je crois la résurrection. Je crois la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Nous vivrons à jamais. Oui, je crois. Car oui, je crois. Dans le nom. Dans le nom. Oui, je crois, oui, je crois en Dieu, notre Père. Oui, je crois en Christ, son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit. Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection. Que nous vivrons à jamais. Oui, je crois. Dans le nom. Je crois en Saint-Esprit, Trinité divine. Trinité divine. Oui, je crois. Tu auras ton diplôme. Tu vas graduer. Tu vas graduer. Tu vas graduer. Tu vas le voir pratiquement. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. You have a good life. Tu auras une bonne vie. You live in joy. Tu vas vivre dans la joie. You will not cry again. Tu ne vas plus pleurer. You will not cry again. Tu ne vas plus pleurer. It shall be well. Ça sera well. Tout va bien. It is well with your family. Tout va bien dans ta famille. Well with your family. Tout va bien dans ta famille. Well with your brother. Tout va bien avec tes well frères. Your sister. Tout va bien avec it's ta soeur. Well with your father. C'est bien avec it's ton well père. With your mother. Non, tout va bien it avec ta mère. Well. Ça va. It is well. Tout va bien. Thank God. Et merci you Dieu. Will be protected. Tu seras protégé. You will be tu seras protégé. You will be kept. Tu seras gardé. You will be tu seras délivré. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank God. Remercie He's Dieu. Doing it for you. Il le fait pour He's toi. Doing it for your family. Il le fait pour ta In famille. The name of Jesus. Au nom de Jésus. Well, ça va aller you bien. Will be joyful. Il y aura la joie. You will be joyful. Il y aura la joie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will not live in poverty. Tu vas pas vivre dans la pauvreté. You will not live in poverty. Tu vas pas vivre dans la you pauvreté. You will live in poverty. Tu vas pas vivre dans la you pauvreté. Live in poverty. Tu vas pas vivre dans la you pauvreté. You will prosper. Tu vas prospérer. You will build a house. Tu vas construire une maison. You will build a house. Tu vas construire une you maison. You will have a good job. Tu vas avoir un bon you travail. You will have a good job. Un bon travail. You will have a good job. Un bon travail. You will live well. Tu vas bien vivre. You will marry. Tu vas te marier. You will get that right person. Tu auras une bonne in personne. The name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will do well. Tu vas réussir. You will do well. Tu vas réussir. You will do well. Ici. You will not live in poverty. Tu vas pas vivre dans la pauvreté. You will not live in poverty. Tu vas pas vivre dans la pauvreté. It shall be well. Ça ira bien. Confess. Tout ira bien. And thank God. Merci thank Dieu. God. Merci Dieu. Thank God. Merci Dieu. Merci Dieu. Il est ma brosse, il est le bébé, il est le chamba. Il est ma brosse, il est le bébé, il est le bébé. Il est ma brosse, il est ma bâche, il est le chambo. Il est ma bâche, il est ma bâche, il est ma bâche. Il est ma brosse, il est le bébé, il est le bébé. Il est ma brosse, il est le bébé, il est le bébé. Il est ma brosse, il est ma bâche. Yet mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama You are a child of God, and the blessing of Abraham shall be your portion. You will not live in poverty. In the name of Jesus, you complete your school. You will do well in school. Confess, confess, confess, confess. You will confess. Ah, tu ne seras pas la queue. Tu seras la tête, tu seras le premier. Ah, in the name of Jesus. Inquele brosse le mama. Antele brosse le bébé, que le chambo. Inquele brosse le bébé, le bébé. Inquele brosse le mama. Antele brosse le bébé. Inquele brosse le bébé. Inquele brosse le bébé. Réclame ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Réclame ta richesse. Réclame ton mariage. Réclame ta liberté. Réclame ta délivrance, réclame ta guérison, réclame la délivrance pour ta famille, réclame la délivrance pour ta famille, au nom de Jésus, réclame, confesse, confesse, confesse, confesse, et confesse, confesse, oh ça va aller, tu auras la joie, tu vas vivre dans la joie, au nom de Jésus, ta famille est délivrée, ta famille est délivrée, au nom de Jésus. Promesse envers toi. Car ta foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera Dieu incapable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Stand avec toi. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il t'abandonnera. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Pas ton miracle. Transformé. majesté. Le contrôle, il prend l'achat de ta vie, il prend l'achat de ta vie, il prend l'achat de ta vie, il prend l'achat de ta vie, il va te prospérer, et tu vas réussir à cause de son action de ta vie, au nom de Jésus, il est majesté, il est majesté, il prend le contrôle, oh majesté. Oh, le Saint-Esprit est là, son onction est là, son onction est là, son onction est là, son onction est là, pour briser les malédictions, pour briser les malédictions, oh, pour briser, au nom de Jésus, pour briser le plan de l'ennemi, pour annuler. Donne la gloire à Dieu. Donne le règne à Dieu. Le règne t'appartient. La gloire l'appartient. Oh Seigneur, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne, Seigneur, de la gloire. De la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur. Tu n'es pas un homme qui ment. Ce que tu as. Je chasse tout démon qui te tourmente. Je chasse tout démon qui tourmente ta famille. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, je chasse tout démon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, ma brosse, les bébés. Inquiète, ma brosse, les bébés. Inquiète, les brosse, les bébés. Je brise cette malédiction familiale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu est sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es vainqueur. Tu seras le premier, pas le dernier. Au nom de Jésus, tu as promis le pain. Tu as promis le pain. Au nom de Jésus. Oh, les bros, c'est les bas. Ante les bros, c'est les bas. Et que les mabros, c'est les bas, car la chevaux. Ante les bros, c'est les bébés, que les chamas. Et que les mabros, c'est les babas, que les chamas. Oh, Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Seigneur, nous croyons en toi. Et nous confessons, nous réclamons. Nous prenons les promesses au nom de Jésus. Et nous voyons les accomplir pratiquement dans nos vies, Seigneur. Et ce soir, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur. Merci. Oh. Que tout le monde peut lever la main, lever la main. Et merci. Merci. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Seigneur, tu es digne. Merci. Merci pour ce soir. Pour ta présence. Pour le changement que tu amènes. Pour tes promesses qui s'accomplissent. Seigneur, tu dis la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Seigneur, nous avons confessé la vie. Seigneur, que cela soit réalisé. Que nous ayons la vie. Oh, que chaque partie de nos vies qui est mort, Seigneur, qu'il y a vie dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez un cri de joie. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Bélingué, non loin du Trotro Station, en face de Sugar Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook LCI, la belle église à Bélingué, pour plus de messages. Soyez bénis.